Allô? Merde, c'est le répondeur. Bon, appelle. Bon, c'est Sopra. Je suis devant la gare Saint-Charles, là. Bon, je t'attends, hein. Dès que j'arrive, tu m'envoies un texto. Je te récupère direct. Que je te fasse visiter ma ville. Car Marseille... Y'a pas la pluie, mais tu peux y voir un arc-en-ciel. Y'a les Comores et le Maghreb. Capitale du foot, du funk et des langues barrettes. L'Italie dans la dégaine. Une voiture de loque dans les rues d'Espagne le week-end. Du plan d'Ao jusqu'au panier. Le langage fait peur à Hortefeuille et pleure en panier. Sur le chantier, c'est la Turquie. Dans chaque bloc, tu peux trouver au moins trois familles Mendy. Le samedi, les mamans font des you-you. Une pensée pour ceux qui ne font que des yo-yo. Yeah, OM sur le torse. Ça danse le mia devant les bars corps. Je te présente ma magnifique ville, Adèle. C'est ma life. Survêtent la coste autour du bras. Ils scrutaient la salle en espérant trouver une belle cadera. Aujourd'hui, c'est paire de Gucci, sac Louis V, chemise Armani. Les mecs sont aveugles, sans marque Jacob. Et là, je défie, te fous une syncope. À la bouche, chiche à pomme. Pour certains, à la main, c'est vodka pomme. La monnaie dans la poche pour le taxiphone. T-shirt bien serré pour montrer ses faux. Sur la piste, des fois, c'est Beyoncé. On des perruques de location pour mieux nous acheter. Yeah, je te présente ma magnifique ville.